le quotidien, ils rêvent de fuir le diable. Un drôle de pitre, on s'amuse du vice, apeuré par la lumière qui nous anime. Bizarrement du mal à se lancer, même si la foule est unanime. Je bombe le torse pour chanter l'amour, espérer voir le jour. Pourquoi se cacher, nous on apprécie quand tombe la foudre. Donc quand vient l'orage, vite je repars à l'aventure. L'échec est honorable, tomber, se relever n'est pas si dur. L'espoir est maître, alors je vois le bon côté des choses. J'apprécie marcher au bord du gouffre, à la croisée des mondes. La réalité perd de sens pendant que mes rêves se réalisent. L'enfant effrayé par les autres, petit à petit réanime. Comment trouver sa place? Le monde est bien trop vaste, j'ai retourné l'atlas. En supportant mon personnage, j'irai ce drôle d'attelage. Pendant toute cette douce course, consumer mon temps jusqu'à être à bout de souffle. Alors je cherche un peu plus loin, je rêve d'atteindre la plénitude. Aveuglé par ce mirage, en train de sombrer, je rêve d'altitude. V'lal, virus, gangréné par l'image, on ne se remarque plus. On se regarde à peine, le bonheur devient une marque de luxe. Le poids de nos actes pèse un peu trop lourd sur la balance. On se permet de voir le jour, beaucoup n'ont pas cette chance. Drôle de jeu, on mise tout, on gagne peu, le destin tire les cartes. Vite on se rendra compte que rien de ce qui se passe n'était grave. Pourtant, je crache ma haine plus d'une fois par heure. J'ai fait beaucoup pour ne pas sombrer, mes peurs me tirent ailleurs, je me tire ailleurs. À ce qu'il paraît, l'herbe est plus verte, comme l'impression d'étouffer. Je rêve d'une bulle d'air loin de celle qu'ils exhibent dans les clips de secondes. Je respire, ils rêvent de rentrer plus de fric. Moi je rêve juste d'être libre. Alors à quoi bon chercher guerre, remuer le couteau dans la plaie. La tête sous l'eau, la plupart d'entre nous sont en apnée. Perds mon temps, paraître règle, j'en ai plus, les secondes coulent à flot. On s'attache à ce qui nous reste, comme à ce qui nous rapproche. Une peu de logique restante, la vie laisse pas le temps de s'y faire. Euphorique, j'aime tant penser à ce qui m'attend cet hiver. On sentait perdre du monde de fou, rien à perdre comme rien à gagner. Manque à l'appel en tête, coûte du moment que t'as rien à parier. On s'affale, canap en béton, les marches de ma ville s'affolent. Disant qu'est-ce qu'il raconte, un jour c'est oui d'accord. Lendemain suit sa route et puis d'abord, j'avance jamais trop tard, le retour se fait vite. Cours dans la descente, à court terme on sait vite. À bout de nerfs on se dévisage, la routine c'est vive. Vous qui parlez de voir plus large, on s'y affaire sans y croire. S'asseoir playa Zanzibar, j'entends vise mais y'a pas de cible. Je vois que le mur en face de ma fenêtre. Amitié en dents de titre, trop sensible pour pouvoir se l'admettre. C'est grave, j'ai que ça en tête. L'écart entraîne des carences. Je m'écarte de ce boucan, soutenable, mais va te parmi mes absences. On était prêt, paraîtrait qu'on s'est perdu. Peut-être qu'on s'était mal renseigné, peut-être qu'on est bête, je suis convaincu de que dalle. J'ai la tête ailleurs et pourtant, puis je cours après ce que je rate, puis j'ai de la peine. D'ailleurs, c'est fou, je pense qu'à ça. Les quatre quarts d'une unité blessent, éclairer le passage et le cafard. À croire que les futilités plaisent, essouffler face au temps. Point serré, j'aime douter par moment. Je coupais v'là les liens, car fais-les. J'écoutais pas le commande, pourquoi tout recommence. Coûte bien essoufflé, je remence mes espoirs et court tête. Dégoûté par trop de gens, ça me la fout. Emmagasiné, je perds la boule. Écrire la routine, c'est lassant. Et c'est ce passe-temps qu'effraie la foule. Qu'espérer foutre douce garde en tête, leçons et moralité. Entre dans ma sphère, en effet drôle d'y habiter. Soirée d'automne, scénario foireux, rien d'alléchant. Les fleurs fanent à la file quand les condamnés chantent.